quand je ne suis pas au service de mon maître Gloomanchou, moi, quand relax, j'écoute animer nos mélodies. En plus, cela me permet de décrypter les messages cachés des France 5. Nyé, Gozobos Zobos, le mal est présent, le mal est grand. Bonjour et bienvenue dans ce 9e numéro de Animer nos mélodies. Au sommaire de ce numéro, de la saucisse spatiale avec le Capitaine Flamme alias Captain Future au Japon, du cosmos et du chat avec les Cosmocats, un soundtrack qui a du chien avec Sherlock Holmes alias Metantai Holmes. Et le tie-up du mois sera consacré à Sakura Wars ou Sakura Taisen avec son célèbre générique Attack Imperial Floral Assault Team, chanté par Chisa Yokoyama. Mais tout d'abord, la news du mois. Il est possible désormais de précommander une nouvelle collection de l'éditeur Columbia, nommée Columbia Sound Treasure. Le premier titre à sortir sera le soundtrack de la série Triton of the Sea, Yumi no Triton, composé par Hiromasa Suzuki. Nous devons ce classique de l'animation à Tezuka Productions. L'histoire raconte celle d'un jeune bébé du nom de Triton, descendant d'une civilisation aquatique détruite par le despote Poséidon et recueilli par des marins et élevé par un vieil homme qui lui cache le secret de sa naissance. Mais à l'âge de 13 ans, il est repéré et pourchassé par les sbires de Poséidon qui envoient une créature des mers attaquer le village des pêcheurs. Après avoir compris sa destinée, Triton préfère s'éloigner du village pour que personne ne soit blessé dans son combat contre le tyran des mers. Après avoir sorti de nombreux soundtracks classiques de l'animation japonaise, Columbia continue son effort de faire connaître au grand public d'aujourd'hui des musiques de séries cultes comme celle de Yamato, ou dans le cas présent, celle de Triton, jamais rééditée depuis 1972, tous deux ayant fait partie des œuvres populaires qui ont fait en sorte de faire connaître à travers le monde l'animation japonaise et démontrer qu'une série pouvait être aussi pour un public plus mature. Le travail de Hiromasa Suzuki sur Triton est admirable et est parmi les plus grandes œuvres qu'ait connu le monde de la musique d'animé. Il est à noter aussi que des BGM inédits ainsi que la chanson thème Soniuka ont été rajoutés, un must-have pour tous les fans. Mais le plus grand plus de cette réédition est que vous aurez le choix entre le CD et le 33 tours. Et oui, un 33 tours. Vous pouvez donc retrouver les liens sur le site de Animer nos mélodies pour choisir entre soit le CD, soit le 33 tours. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le Capitaine Flamme. どっちを向いても宇宙どっちを 向いても未来どこまで行っても宇宙どこまで行っても未来 Bien entendu, ceci est un montage tiré du générique français culte de Capitaine Flamme et de l'opening japonais, qui possède lui aussi une introduction à la manière des Cités d'Or, mais pour ce dernier, sans musique de fond. L'origine du Capitaine Flamme n'est pas japonaise, mais américaine. En effet, Capitaine Flamme, de son vrai nom Captain Future, est basé sur une série de romans de SF méconnus en France, écrits dans les années 40 par Edmond Hamilton, décédé en 1977, est découpé en 13 histoires indépendantes de 4 épisodes chacun. L'adaptation japonaise se focalise sur deux points importants mis en avant dans les romans, à savoir la supériorité de l'esprit avant celle de la force brute et donc de la violence. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la série était plutôt didactique en exposant d'innombrables explications scientifiques, parfois vraies ou parfois quelque peu farfelues. On doit cette adaptation animée au studio Toei Animation, célèbre pour avoir animé les séries les plus cultes de notre enfance. La série animée est apparue sur les petits écrans japonais en 1978 sur la chaîne NHK, qui est une chaîne plutôt éducative et proposant donc des animés dans ce sens, comme celle des Mystérieuses Cités d'Or en 1982. L'histoire met en scène Curtis Newton, alias Capitaine Flamme, qui sera élevé par le professeur Simon, dont il ne reste que le cerveau dans une machine volante, ainsi que Krag et Mala, deux androïdes créés par ses parents, malheureusement décédés lors d'une attaque de la station spatiale lunaire sur laquelle ils faisaient leur expérience. Sur son lit de mort, sa mère demandera aux androïdes de l'élever dans le respect de l'humanité et de consacrer sa vie à préserver la paix et l'ordre dans l'univers. Et c'est à l'âge de 18 ans que Curtis Newton prendra le pseudonyme de Capitaine Flamme. En France, la série est apparue sur TF1 le 7 janvier 1981 dans l'émission jeunesse Croque-Vacances, présentée par Claude Pierrard et Isidore, avec le fameux générique écrit par Roger Dumas et composé par Jean-Jacques Debout avec au chant Richard Simon. La série sera un réel succès en France, ainsi qu'en Europe, comme l'Espagne, la Belgique ou encore l'Allemagne, qui lui décidera de changer la musique par une composition presque dans le même ton, pourtant composée par Christian Braun, dont je vous parlerai dans un prochain numéro d'Animé nos mélodies. Pour les fans, voici quelques extraits des différents génériques existants à travers le monde. Capitán, futuro, intrépido y vivo. Lors de son passage sur TF1, dans le Club Dorothée en 1987, il a été proposé un nouveau générique chanté par Bernard Minet. Malgré le charisme de la voix du célèbre batteur des Musclés, cette version s'avère pauvre en rimes et en qualité. À oublier si vite que je ne vous proposerai pas d'extrait. C'est comme ça. La musique de la série a été composée par Yuji Ono, à qui l'on doit celle de la série Lupin the Third, Edgar de la Cambriole en France, et qui a su détourner les codes musicaux du space opéra vers des compositions modern jazz et disco, très à la mode à l'époque de sa diffusion. Allez, prenez une tequila sunrise ou un cocktail frappé et laissez-vous porter par les musiques signées Yuji Ono. Nous, on se retrouvera à la fin. We'll be right back. Ce double CD de la collection Columbia Sound Archive Series est trouvable sur Amazon aux alentours de 60€ avec les références COCX-31686 et 31687. Reste dans l'espace et on se rend tous ensemble sur le nouveau monde des Thundercats, alias les Cosmocats. Même si la série est d'origine américaine, c'est aux Japonais qu'a été confiée l'animation et la direction des 4 saisons de Cosmocats, soit 130 épisodes. En France, nous n'avons vu que 2 saisons au total. La musique, elle, a été confiée à Bernard Hofer, qui a atteint cette année l'âge honorable de 80 ans. Ce compositeur, plus habitué aux musiques de téléfilms ou de publicités, a ainsi offert à cette série culte, pour toute une génération, des thèmes inoubliables. Qui ne se rappelle pas le cri de Starlion, faisant ainsi grandir son épée. La qualité de l'œuvre musicale qu'est Thundercats, sous son nom anglais, est sans conteste une des plus grandes réussites américaines des années 80 pour un animé, avec la bande originale des maîtres de l'univers de M. Saban et Chucky Levy. N'attendons pas plus. Je vous laisse découvrir ce petit bijou trouvable uniquement sur le net grâce à des fans qui ont reconstruit entièrement la BO. We'll be right back. venez d'écouter Thundercats sur une composition de Bernard Hofer. Il avait tous les pouvoirs, Cosmo Cats à vous. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo Cats. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo Cats. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo Cats. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo Cats. D'âmes-lumière vont vous entraîner sur des planètes étrangères, vous y survivrez. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo Cats. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo Cats. Cosmo Cats. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo Cats. Il est temps de délaisser les abîmes de l'espace pour les beaux quartiers de Baker Street et rendre une petite visite à un célèbre détective privé, Sherlock Holmes. Et oui, si vous avez connu la série diffusée sur Canal+, en 1984, puis sur Antenne 2, dans Récréa 2, en 1986, vous vous êtes certainement rendu compte que le générique français, chanté par Amélie Morin, est une adaptation du générique japonais. La preuve avec ce joli mixage fait par mon ami Thierry Bénard, merci à toi. On doit cette chance grâce à la chaîne de télé italienne Rai Uno, coproducteur de la série avec la TMS, la Tokyo Movie Shinsha. La seule différence est que la version japonaise de l'opening Sora kara koboreta sutori, une histoire tombée du ciel, mais aussi du ending Temusu gawa no Densu, la danse de la Tamise, sont chantés en duo par le groupe Dakapo. Metantei Holmes, littéralement Holmes le célèbre détective, est une série de 26 épisodes diffusée en premier sur la chaîne japonaise TV Asahi en novembre 1984, mais il faut savoir que la production est très ancienne puisqu'elle a commencé en 1981 sous la direction de Hayao Miyazaki, à qui l'on doit d'ailleurs les meilleurs épisodes de la série. Celle-ci n'a pu reprendre qu'en 1984, après avoir réussi à se dépatouiller des problèmes de droit auxquels elles étaient confrontées avec la descendance de Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur des romans. Miyazaki étant en pleine production de Nausicaa, la Vallée du Vent, la réalisation des autres épisodes fut confiée à Kyusuke Mikuiriya, qui a déjà travaillé sur Lupin the Third, Georgie et même Ulysse 31. L'adaptation de Sherlock Holmes est due essentiellement à Miyazaki, qui a créé avec l'aide de son regretté compère Yoshifumi Kondo, qui réalisera plus tard le film Momowo Sumaseba, si tu tends l'oreille, sorti sous l'égide de Ghibli, les personnages donc anthropomorphes, soit mi-humains, mi-animaux. Ainsi, Holmes et la plupart des policiers sont par exemple des chiens, tandis que Moriarty est un loup. Les Italiens Marco et G. Paggio ont aussi participé à la pré-production de cette œuvre en proposant des croquis des personnages ainsi que des illustrations ou des décors. La musique a été composée par le grand et regretté Kentaro Haneda, à qui l'on doit les compositions de L'île au trésor, mais aussi, et je dirais surtout, les musiques de la série mythique Macross et de son film Oboete Imasuka, ou Do You Remember My Love, dans sa version internationale. Celles-ci sont plus classiques, mais aussi très symphoniques, avec des thèmes qui parleront plus à ceux qui auront connu la série à l'époque de sa diffusion. Il existe deux CD pour les BGM de cette série, le Holmes Original Soundtrack et The Holmes Collection, tous deux complémentaires, avec pour ces derniers des musiques jamais éditées et quelques dramas. Voici quelques extraits de ces deux albums. We'll be right back. Vous pouvez essayer de trouver l'album Holmes Collection sous la référence TKCA-30116 et l'album Soundtrack avec la référence 32ATC-102. Les références, vous les retrouverez à nouveau sur le site internet de Anime No Melody. Anime No Melody 9, c'est fini. Je remercie Olivier Fallet pour sa participation à l'intro de l'émission en ayant revêtu son costume de Cancrelax. Yannick Rowe pour la composition du soundtrack de l'émission ainsi que de l'habillage du site et des réseaux sociaux, et Thierry Bénard pour son aide. Vous pourrez me rencontrer sur le festival Mangamania les 6 et 7 juin en passant par le stand de radioanime.net, partenaire du podcast et présent à ce festival qui se déroule à Montélimar, dans la Drôme. On se retrouve pour le dernier numéro de la saison en juin avec une petite surprise. Une dernière annonce quand même, c'est que l'on se retrouvera aussi sur une émission live avec des invités. On termine avec le tie-up du mois, Sakura Wars, alias Sakura Taisen, le célèbre jeu de drague de la Saturn, mais qui a aussi donné une série télé, une foultitude d'OAV et un film avec son célèbre générique Attack Imperial Flora Assault Team, chanté par Chisa Yokoyama. Ah oui! Et n'oubliez pas que la musique d'anime, ce n'est pas que pour les Japonais. だから 命をかける戦いであっても私たちは一歩も引きません。それが帝国歌劇団なのです。 街の日が消え果てて怯えるテイトに虹の色染め上げて踊り寝る戦士たち。暁に劇場を照らし出す乙女、悪を滅ぼして正義を示す。 街の灯が消え果てて怯える帝都に虹の色染まげて踊り出る戦士たち。暁に激怒を照らし出す乙女、悪を滅ぼして正義をしますのだ。走れ高速の帝国が劇団、不慣れ衝撃の帝国が劇団。走れ高速の帝国が劇団、不慣れ衝撃の帝国が劇団。